Alors, attaque d'opportunité. Les combattants sont constamment à l'affût des erreurs de l'ennemi. Quand vous éloignez de l'ennemi sans prendre garde, vous vous exposez à une attaque d'opportunité. Effectuez une attaque d'opportunité. Vous Aussi pouvez une effectuer une attaque attaque de n'importe qui. d'opportunité lorsqu'un ennemi que vous voyez quitte votre zone d'allonge. Pour effectuer une attaque d'opportunité, vous jouez votre réaction pour porter une attaque d'arme de corps à corps. Ah mince, oui, c'est pas une arme de corps à corps. Contre la créature qui l'a provoquée. L'attaque intervient juste avant que la créature soit sortie de votre zone d'allonge. J'ai rien compris. Salut à toi, monsieur, madame, personne non binaire, personne non conforme dans le genre. Eh bien, on recommence une nouvelle vidéo. Cette vidéo, eh bien, elle est faite pour toi. Parce que si tu n'as pas, si comme moi, tu n'as pas d'amis, tu as deux solutions. Soit le suicide, ou alors le jeu de rôle solo. Et donc, on va en parler tout de suite. Alors, c'est quoi un jeu de rôle solo? Un jeu de rôle solo, c'est un jeu qui se joue tout seul. En fait, tu as à la fois ton PJ et ton MJ. Alors, pourquoi jouer au jeu de rôle solo? On l'a déjà expliqué. Attends, attends. Et j'ai trouvé un truc qui les attire. Alors, j'arrive pas à attirer les chats avec des roquettes, mais je crois qu'on peut attirer les lapins crétins avec des raisins secs. Oh, vous aimez ça les raisins secs? Vous aimez ça les raisins secs? Allez, mangez, mangez, mangez les raisins secs. Tu veux des raisins secs aussi? Je vais donner les raisins secs à mon assistant Victor. C'est bon, hein. C'est pas du tout raisonnable, on va en manger dans une demi-heure. Alors, pourquoi faire du jeu de rôle solo? Soit parce que tu n'as pas d'amis, comme je l'ai dit. Ou alors tout simplement parce que tu veux jouer plus, donc tu vas jouer en plus de tes parties en multi, tu vas tout simplement parce que tu veux jouer à ton rythme, un petit peu quand et comme tu veux jouer. Ça va permettre aussi de jouer des thèmes qui n'intéressent pas ton groupe de jeu. Alors par exemple des thèmes tels que l'érotisme, le gore ou encore l'introspection. Ça va te permettre aussi de playtester des choses, c'est-à-dire tu as des jeux qui ne fonctionnent pas trop bien. Tu vas d'abord les tester en solo avant de les crash-tester avec un groupe qui risquerait peut-être de passer une mauvaise soirée quoi, sur un jeu pas fini, quoi. Alors maintenant, comment on fait en fait pour faire un jeu de rôle solo? Bon, alors avant de te dire comment, il faut que je te parle du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, eh ben, c'est à nouveau l'application Tutor and Troll. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de réclames. De la part des trolls de gauche, les trolls de gauche ont dit oui, il faut pas que tu sois devant l'écran, les trolls de gauche. Pourquoi nous, on n'a pas, on peut pas faire de tweets haineux et tout. Eh ben, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'application Tutor and Troll, l'application Tutor and Troll, eh bien voilà, a eu une mise à jour. Et donc maintenant, tu peux faire des tweets gauchos, pareil, bien revendicatifs. Alors, je prends en tac un exemple au hasard. Ah, ouais, dis donc. Oui, comment ça? La nouvelle édition de Donjons et Dragons n'est même pas en écriture inclusive. En plus, ils ne proposent pas de jouer des xénogenres. Je suis scandalisé. Boycott D&D. D&D facho. Hashtag la honte. Voilà. C'est vraiment cool. Je pense que c'est important qu'il y en ait pour tous les goûts. Et on espère bien sûr une prochaine mise à jour avec des tweets néolibéraux parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Eux aussi, ils ont le droit de pouvoir rager. Alors, comment on peut faire du jeu de rôle solo? Tu peux commencer tout simplement en utilisant un jeu multi, qu'il soit avec ou sans MJ. Tu peux utiliser du coup ces scénars dédiés quoi. Donc ça nécessite un petit peu une petite gymnastique, mais la plupart des scénarios ils sont écrits en paragraphe et tout, donc l'information elle est un petit peu sectorisée. Donc tu prends pas connaissance de tout le scénar d'abord, et puis voilà tu joues un peu en poursuivant. Alors tu peux avoir des petites. Alors généralement les scénarios ils sont prévus pour des groupes et donc ils sont assez difficiles pour un seul personnage. Alors là, il y a une petite technique assez simple. En fait, c'est que grosso modo, Toi, quand tu fais perdre un point de vie, eh ben, tu peux considérer en fait que tu tues un ennemi, tu vois. Donc, tu vois, grosso modo, tu maximises ses dommages. Et à l'inverse, les ennemis, leurs dégâts sont minimisés. C'est-à-dire qu'ils font toujours le minimum possible de dégâts, quoi. Et donc là, tu te retrouves avec un personnage qui est facilement en fait aussi balèze qu'un groupe entier, quoi. Ce qui permet de jouer au scénario sans faire pas plus d'ajustements tactiques, quoi. Tu verras qu'il y a un livre, il y a un super livre de Saladin qui s'appelle Comment faire du jeu de rôle en solitaire. Je mettrai les refs. Tu peux aussi, plutôt qu'utiliser un jeu de rôle entier, tu vas juste jouer dans l'univers de ton choix et puis utiliser un système de résolution un peu générique, que ce soit par exemple le système FU. Tu peux aussi utiliser un émulateur de MJ. Il y en a quelques-uns dans le commerce, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Ce qui est pas mal aussi pour faire du jeu de rôle solo, c'est d'utiliser un jeu descendant de l'arène, hein. La plupart, en fait, quand tu regardes bien, on peut très bien y jouer en solo, ça marche tout aussi bien. Et puis, évidemment, il y a aujourd'hui pléthore de jeux de solo dédiés. Moi, j'en ai un qui s'appelle Boissole. Enfin, beaucoup de mes jeux, d'ailleurs, sont compatibles solo. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois solo et multi. Et puis, tu as dans le commerce. Iron. Mince, j'ai oublié le nom. Bah, je te mettrai dans la description des jeux dans le commerce qu'il y a. Mais il y a notamment. Oh, bah, je ne les ai pas en tête. Mon cerveau est parti en vacances. Désolé, c'est les vacances. Donc, mon cerveau est parti en vacances. Donc, je ne me rappelle plus les noms des jeux. Donc, je te mettrai en description. Ça va être plus simple. Sachant que tu peux aussi, donc tu peux jouer un seul personnage ou alors plusieurs personnages. Donc là, après, si tu joues en fonction de ce qui t'intéresse, tu as plusieurs façons de jouer. C'est-à-dire que tu peux jouer juste par la pensée. Voilà, donc tu prends aucune note, quoi. Il y a même une façon d'aller un jeu de rôle solo qui s'appelle le shifting, où c'est vraiment on n'a aucun matériel, c'est juste par une sorte de méditation guidée, quoi. Par la pensée, genre j'imagine que je suis Harry Potter et que je suis dans le monde de Harry Potter, et puis je vis des aventures, quoi. Tu peux jouer par écrit, ça a peut-être un peu l'avantage d'un petit peu te cadrer, je dirais. Et tu peux aussi jouer par l'audio, t'enregistrer, voire même diffuser en fait tes parties audio. Non, non, il ne faut pas que faut pas que tu bouges. Non, déjà que mon cadrage est toujours aux fraises, Victor. Alors si en plus si tu me bouges mon écran, c'est mort. Non, non, on va éviter. Mon petit assistant est un petit peu farceur. Alors maintenant, comment tu vas créer un jeu de rôle solo? Eh bien, la particularité d'un jeu de rôle solo, c'est qu'il doit forcément intégrer un émulateur de MJ. C'est sa principale particularité. Donc, pour en créer un, tu peux t'inspirer des jeux sans MJ, mais ils ne sont pas toujours adaptés parce que certains incluent des relations avec des autres PJ. Voilà, il faut, si tu t'en inspires, il faut que tu trouves un moyen pour que ces PJ deviennent des PNJ en quelque sorte, quoi. Donc, on parlait d'émulateur de MJ, mais qu'est-ce qui doit contenir en fait ton émulateur de MJ? Eh bien, il doit contenir un algorithme de situation. C'est-à-dire, c'est une arborescence de situation. Si tu fais cette scène, ben en fait, elle peut t'amener à cette scène-là, ou alors cette scène-là, tu vois. Ou alors, il peut y avoir des cycles, en fait, un peu des cycles de situation, quoi. C'est-à-dire qu'on joue d'abord acte 1, puis acte 2, puis acte 3, puis acte 4, et après, on reboucle sur l'acte 1, comme ça, tu vois. C'est typique des jeux, notamment de journaling, ou des jeux de voyage, où chaque jour, on recommence un peu le même cycle. Il te faut un système de résolution. Donc, soit tu as un système de résolution centralisé pour gérer toutes les situations, ou tu peux avoir un système de résolution qui dépend des situations, qui dépend des scènes, qui dépend des actes, voilà, qui soit particulièrement adapté à la scène. C'est ce que tu peux faire en jeu de rôle solo. Et pour finir, il te faut un mécanisme de endgame, c'est-à-dire comment le jeu s'arrête. Donc, Alors, c'est pas parce qu'il y a une mécanisme de, tu parles de mécanisme de endgame, mais quand même prévoir une durée de jeu de variable, prévoir que ça puisse être joué en one shot ou en campagne. Donc, sur le jeu de rôle solo, c'est un domaine vraiment qui est bien foisonnant maintenant. Donc, je te mettrai tout un tas de ressources dans les liens en description. Maintenant, ben, Victor et moi, on te fait des énormes bisous. N'oublie pas, abonne-toi, mets la cloche et il y a des super liens en description. Et puis il y a des petites vidéos là.